Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal du 8 décembre 2016. C'est la grande édition de la mi-journée. En voici les grands titres. Le médiateur dans la crise burundaise arrivé hier à Bujumbura poursuit ses consultations avec différentes personnalités, dont en tête-à-tête qu'il a eu avec le président de la République. Des entretiens avec des représentations diplomatiques africaines et européennes. L'ambassadeur de France a promis un soutien financier au dialogue d'Arusha, estimant que cette voie reste la seule, la meilleure pour la sortie de crise pour le Burundi. Des domestiques en zone Kinindo s'insurgent contre le forcing utilisé par la police pour leur adhésion à une association. Ce matin, une rafle a été opérée dans différents ménages pour repérer ceux qui n'ont pas de carte de service. Et plus de 2000 moustiquaires utilisés dans la pêche ont été saisis en deux jours sur le lac Rweru. Le directeur national de la pêche envisage une réunion de tous les concernés pour arrêter des stratégies de lutte contre l'utilisation de ces objets non indiqués. Et en actualité internationale, le procès de Dominique Ongwen, un ancien combattant du groupe rebelle ougandais de l'armée de résistance du Seigneur, se poursuit à la Cour pénale internationale. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Ce jeudi, le médiateur dans le conflit burundais Benjamin Mkapa a rencontré en tête-à-tête le président de la République. Puis les ambassadeurs africains accrédités à Bujumbura. Le facilitateur a aussi reçu les ambassadeurs de l'Union européenne. Au sortir de cette rencontre, l'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delahousse, a indiqué que la voie du compromis entre le gouvernement et l'opposition externe doit être trouvée. Il a en outre affirmé le soutien financier de l'Union européenne au dialogue externe. Suivez Laurent Delahousse, ambassadeur de France au Burundi. Avec les collègues européens, nous venons de rencontrer le facilitateur de l'EAC, le président Mkapa de Tanzanie, qui nous a écoutés, qui nous a interrogés sur notre vision du processus de dialogue inclusif qu'il est chargé de conduire au nom de l'EAC. Nous avons apporté à M. Mkapa notre plein soutien, car l'Union européenne est derrière les efforts de la médiation internationale pour conduire un dialogue entre les autorités burundaises et l'opposition externe du pays. Nous considérons que la voie du compromis doit être trouvée, que chaque partie doit faire un geste vers l'autre, car sans compromis, on ne trouvera pas de solution aux problèmes politiques que le pays connaît aujourd'hui et qui sont à la source de toutes les difficultés du pays aujourd'hui. Cet esprit de compromis qui s'est incarné à Arusha a malheureusement, en apparence, été perdu. Et il est absolument essentiel de le retrouver. Est-ce que l'Union européenne va continuer à financer ce dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha? Oui, le soutien de l'Union européenne et de la France et des États membres de l'Union européenne au dialogue a naturellement également une composante financière. Nous soutenons le dialogue. L'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delahousse, au micro de Mireille Kanyangé. Sachez que pour l'instant, le facilitateur Benjamin Mkapa rencontre Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Des marchandises d'une valeur de plus de 50 millions de francs burundais ont failli être calcinées lors d'un incendie qui s'est déclaré dans un magasin se trouvant dans l'immeuble communément appelé Bata au centre-ville de Bujumbura. C'est ce que confirme la propriétaire du magasin qui fait savoir que ce feu s'est déclaré dans la matinée de ce jeudi, mais ils ont pu l'éteindre sans qu'il y ait trop de dégâts. Suivez-la. Twe turuguruye ikibanza ndiko ndapanga ibintu tuza tubona umuriro tanguye kwaduka urubeya duca turaraba kuko je nari namaze quand on a ouvert le magasin, j'ai commencé à faire le nettoyage des lieux pour avoir un bon rangement. C'est là que j'ai vu des flammes parce que je me trouvais à l'intérieur. Ces flammes provenaient du compteur électrique de la régie des eaux. Par après, le feu a attaqué les fils, j'ai appelé au secours, mais en attendant de l'aide, j'ai utilisé un extincteur qui se trouve habituellement dans les véhicules. Après quelques minutes, mon mari est arrivé et a tout éteint. Les voisins nous ont aidés à couper tous les fusibles pour que le feu ne se propage pas. Nos marchandises ont une valeur de plus de 50 millions. On avait tout perdu lors de l'incendie qui avait ravagé le marché central. On a contracté des crédits pour commencer le commerce et regarder comment le feu allait tout emporter. Heureusement, le Tout-Puissant a protégé les lieux. « Cette commerçante était traduite par Christella Nizigama. Dans la suite de ce journal, la police a opéré ce matin une rafle de travailleurs domestiques en zone Kinindo, en mairie de Bujumbura. Ceux qui ont été arrêtés ont été obligés de montrer une carte de service délivrée par le collectif des associations des travailleurs domestiques. Ceux qui n'en ont pas ont été acheminés directement à un agent de cette association pour se faire inscrire. Ils indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la police les oblige d'adhérer à cette association. Les détails avec Yves Ngonzimana qui s'est rendu sur ce lieu d'inscription. C'était vers 5h du matin de ce jeudi lorsque la police a effectué une fouille dans certains ménages de la zone Kinindo. Dans cette fouille, la police a opéré une rafle de travailleurs domestiques pour vérifier s'ils ont des cartes de service. Ceux qui n'en ont pas présenté ont été directement acheminés vers un agent du collectif des associations de travailleurs domestiques pour se faire inscrire. Comme nous l'avons remarqué sur les liens, ils étaient en train de se faire inscrire. Certains d'entre eux expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la police collabore avec cette association pour les obliger d'acheter cette carte. Nous avons été surpris ce matin. La police est venue faire une fouille. Ils nous ont demandé les cahiers de ménage. Après, ils ont commencé à vérifier les domestiques qui s'y trouvent et ils nous ont conduits directement à cet endroit afin de se faire inscrire pour avoir une carte de service qui s'achète 7000 francs. Donc, nous sommes obligés à adhérer dans cette association. Ils sont venus vers 5h du matin et ils nous ont demandé des cartes de service. Nous ne voyons pas comment est-ce que la police nous oblige à adhérer dans cette association puisqu'une personne est libre d'adhérer dans telle ou telle autre association. Ceux qui se sont fait inscrire sont retournés à leur travail après avoir eu un reçu sur lequel on peut lire les mentions suivante, le nom et prénom, le montant payé ainsi que la raison d'avoir cette carte de travail. La police a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Yves Ngonziman. Des sanctions sévères seront appliquées aux commerçants illégaux de minerais ainsi qu'aux administratifs impliqués dans ce commerce, car ces derniers occasionne d'importantes pertes au trésor public. C'est le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutole, qui l'a déclaré lors du lancement officiel de l'Office burundais des mines et carrières ce jeudi en province Ngozi, d'où nous appelons notre correspondant Apollinaire Muzagara. Dans leur discours, le deuxième vice-président de la République du Burundi et le ministre de l'énergie des mines indiquent que le Burundi regorge d'importantes quantités de minerais. Joseph Boutole et Coman Lakiza déplore néanmoins que ce secteur ne contribue presque en rien au trésor public, alors qu'il est le poumon de l'économie de bon nombre de pays riches en minerais. Preuve de ce secteur burundais riche, selon le deuxième président de la République, 32% des huiles éléments chimiques figurant sur le tableau de Mendeleïev sont présents au Burundi. Parmi ces minéraux, d'importantes quantités d'or, de nickel, de castérite, wolframite, coltan et autres. Et parmi les défis, selon le deuxième président de la République, l'exploitation artisanale des minéraux, le commerce illicite de ces derniers, surtout dans les provinces du nord du Burundi. Des mesures adéquates sont donc envisageables pour y faire face, indique Joseph Boutole. Parmi ces mesures, la décentralisation de cet organe et 5 antennes régionales seront bientôt implantées en province Ngozi, Makamba, Ujumbura, Gitega et Ruyigi, a-t-il indiqué de Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara, il est 13h05 à Bujumbura. Nous poursuivons avec les nouvelles des provinces. Plus de 2000 moustiquaires ont été saisis en 2 jours sur le lac Rweru. Les représentants des comités de pêcheurs en province Muyinga, du côté de la commune Guiteranye, accusent les pêcheurs de la province Kirundo d'être propriétaires de ces objets interdits dans la pêche. Le directeur national de la pêche promet une rencontre des deux côtés dans un avenir proche pour décider des stratégies de lutte contre ces objets. Dieudonné Nzeyimana. Plus de 2000 moustiquaires, 3 kg de filets maillants sont entre autres objets interdits dans la pêche, mais saisis en 2 jours sur le lac Gweru. C'était lors d'une opération menée par le représentant des comités de pêche, appuyé par des agents de la marine burundaise, mardi et mercredi. Nyandwi Sadik, qui représente les pêcheurs en province Muyinga, côté commune Guiteranye, affirme que l'essentiel du matériel illicite a été saisi côté commune Busoni, province de Kirundo. Butoyi Gabriel, représentant les pêcheurs au niveau national, pointe du doigt les administratifs à la base, qui apporte plutôt leur soutien aux coupables au lieu de prendre des mesures de dissuasion. Je venais d'Olere, chef de zone Nyagisozi, province Kirundo, interrogé à cet effet, s'est réservé de tout commentaire. Léonie Imana, directrice nationale de la pêche, affirme avoir fait une descente sur terrain en commune de Busoni en début de la semaine en cours. Des objets interdits sont bel et bien utilisés, a-t-elle constaté. Elle promet une rencontre avec les administratifs et les représentants des pêcheurs des provinces Kirundo et Muyinga afin de prendre ensemble des engagements de protection des richesses du lac. Et dans la ville de Gitega, le sucre est devenu une denrée rare. Et là où on en trouve, son prix par kilo varie entre 2400 et 2500 francs burundais. Selon certains commerçants, il y aurait en plan de revoir à la hausse le prix de ce produit. La situation est telle qu'elle, au moment où la population de Gitega demande aux administratifs d'exiger de la lumière sur le vrai prix du sucre à la Sosumo. Arthur Kawabushi. Au moment où deux semaines viennent de s'achever sans existence du sucre dans différentes boutiques de la ville de Gitega, certains vendeurs de ce produit et surtout ceux du marché central de Gitega ont fixé leur propre prix. Tenez, si par chance on parvient à en trouver et là même dans la clandestinité, son prix au kilo oscille entre 2400 et 2500 au moment où le prix officiel est de 2200 francs. Les là même on l'emballe dans la plus grande discrétion. La situation est telle qu'au moment où certains vendeurs de ce produit contactés font savoir qu'ils ont reçu des informations faisant état d'une probable montée du prix du sucre, comme la Braudi vient de le faire sur les produits Fanta, disait-il. Cela étant, certains habitants de la ville de Gitega disent que cette situation va compliquer davantage la vie à cause de la pauvreté qui gagne du terrain sans relâche. Une autre chose qui leur fait peur est la montée des prix des marchandises alors que leur salaire reste fixe, ce qui fait que dans les jours à venir, ils ne seront plus à mesure de faire vivre leur famille. Les habitants de la ville de Gitega demandent aux administratifs d'aller demander à la Sosumo le prix réel du sucre, mais également ce à quoi est due cette rareté. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kawabushi. Et sur cette hausse des prix du sucre, le directeur général de la Sosumo a indiqué qu'il va réagir au cours de cette semaine. Et deux prostituées de Magara en commune Bugarama de la province Rumonge sont dans la main de la police judiciaire de Bugarama depuis ce jeudi. L'une d'elles est accusée d'avoir volontairement blessé à l'aide d'une barre de fer l'organe génital de son client, actuellement dans une structure de soins. 14 des 24 prostituées arrêtées ce mercredi dans une rafle policière à Magara ont été sommées de regagner leur colline d'origine. Et dans cette même commune, sur les collines Burangwa et Magara 2, la police a versé par terre 1240 litres de Kanyanga sans pour autant arrêter les fabricants et les consommateurs qui avaient pris le large. Cependant, les fabricants devront payer une amende administrative aussitôt qu'ils seront attrapés selon la police. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en Somalie, après plusieurs jours de combat, le gouvernement autonome de Puntland a déclaré ce mercredi avoir repris le contrôle de la ville de Kandala, occupée depuis plusieurs semaines par des djihadistes. Et poursuite aussi à la Cour pénale internationale du procès de Dominique Ongwen, un des anciens combattants du groupe rebelle ougandais de l'armée de résistance du Seigneur. Le détail avec Aubin Niyongur. 11 ans après l'émission d'un mandat d'arrêt contre Dominique Ongwen, l'ex-commandant ougandais de la LRA, Dominique Ongwen est jugé depuis mardi 6 décembre devant la Cour pénale internationale. Enlevé vers l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony, l'enfant soldat est ensuite devenu l'un des commandants de ce groupe rebelle, écrit RFI sur son site internet. Il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Pour quelques 4000 victimes, un de leurs avocats indique que le procès de Dominique Ongwen est d'une importance capitale car il représente la seule option pour que la justice examine les crimes commis par la LRA et ses commandants en 29 ans en Somalie. Après plusieurs jours de combat, le gouvernement de la région semi-autonome de Puntland, dans le nord-est de la Somalie, a déclaré ce mercredi avoir repris le contrôle de la ville de Kandala, occupé depuis plusieurs semaines par les djihadistes se revendiquant du groupe État islamique. En Indonésie, un séisme a touché la province d'Aceh au nord de ce pays ce mercredi. Plus de 50 personnes sont mortes,